Audiomatic. Vous avez entendu, pour débuter cette transmission 336 d'Audiomatic, le duo anglais Lamb et la chanson Sugar 5, qui est parue sur son quatrième album Between Darkness and Wonder, sorti en 2003. C'est la formation Sons of Kemet qui assure l'enchaînement musical d'Audiomatic. Audiomatic, nous venons d'entendre le projet mexicain Siete Catorce et sa pièce Derretido apparaissant sur son tout nouveau mini-album intitulé Temperatura. Avant Siete Catorce, c'était la formation Dengue Dengue Dengue qui nous offrait sa version de la pièce Pa Bravo Yo, composée à l'origine par le chanteur cubain Justo Betancourt en 1972. Cette version actualisée se retrouve sur l'album Humos Volume 13 de Dengue Dengue Dengue. Et on amorçait la séquence avec la formation Sons of Kemet menée par le saxophoniste Shabaka Hutchings de son deuxième album intitulé Lest We Forget What We Came Here to Do. Nous écoutions la pièce Mo Wiser. La programmation d'Audiomatic se poursuit à l'instant avec l'artiste allemande Hélène Fratz. Pour clore ce segment musical à Audiomatique, nous vous avons présenté l'artiste anglais Gary Numan, qui a fondé le groupe Tubeway Army en 1975 pour poursuivre sa carrière solo à partir de 1979. Nous écoutions sa chanson Down in the Park, ici remixée et réinterprétée par DJ Hell sous le nom Dans le Parc. Cette version se retrouve sur l'album compilation Random 2, qui regroupe des pièces de Gary Numan remixées par différents artistes. La pièce originale de Down in the Park est parue sur le deuxième album de Tubeway Army, intitulé Replicas, et lancé en 1979. Tout juste avant Gary Numan, nous avions droit à Ellen Fratz, qui est mieux connue sous son nom de scène, Ellen Alien, de son deuxième album Berlinette, sorti en 2003. Nous avons entendu la pièce Open. Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique de la formation Aoraki. Akunga korpa anda asinda aluro korpa taeta pala akunga parututo osukuru pomba are lele la ishakara tunda harbata arukukon leta fokukon manana yasilara kofoko ala harta ashmandara la yanda Akoran dinema ala arbanana ta espoton anbata espoton sakukapa akoru pakaruta pungakaru espotin kesila arrondo por un Ah! à Audiomatic. Nous venons d'entendre le projet Recondite et la pièce Glint apparaissant sur le troisième album intitulé Ify, paru en 2014. Avant Recondite, c'était la formation chilienne Aoraki et sa pièce Redé se retrouvant sur leur album compilation Online. Pour refermer la parenthèse musicale de cette transmission 336 d'Audiomatic, vous pourrez entendre le groupe anglais Asian Dub Foundation et sa composition Scaling New Heights, tirée de son troisième album Community Music, paru en 2000. La transmission 337 d'Audiomatic prendra forme mercredi prochain dès 17h en direct sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et évidemment, comme toutes les transmissions antérieures, la transmission 337 se reformera dans les univers numériques pour un accès intemporel et indéfini, dont les principales portes d'entrée sont nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici Asian Dub Foundation et la pièce Scaling New Heights. C'était Audiomatic avec les sonoristes.